Gaspard Hauser chante, poème de Paul Verlaine, du recueil Sagesse, édité en 1880, lu par Charles Deleuze pour audiocité.net, audiolivre gratuit, enregistré en 2020. Gaspard Hauser chante. Je suis venu, calme orphelin, riche de mes seuls yeux tranquilles, vers les hommes des grandes villes. Ils ne m'ont pas trouvé malin. À 20 ans, un trouble nouveau, sous le nom d'amoureuse flamme, m'a fait trouver belles les femmes. Elles ne m'ont pas trouvé beau. Bien que sans patrie et sans roi, et très brave ne l'étant guère, j'ai voulu mourir à la guerre. La mort n'a pas voulu de moi. Suis-je né trop tôt ou trop tard? Qu'est-ce que je fais en ce monde? Oh, vous tous, ma peine est profonde. Priez pour le pauvre Gaspard.